a commencé pour un délire, juste pour un plaisir. L'histoire des jours, la musique voudrait peut-être me donner un avenir. Elle est venue comme ça sans me prévenir. D'abord avec la galère sans me demander mon avis. Au quartier avec les amis d'avance, rien à voir avec la délinquance. On a fait des petites scènes au quartier sans plus. Pour faire passer le temps on s'amuse. Le temps passe sans se rendre compte que la musique allait être mon overdose. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Indépendant de l'art, voilà ce que je suis. Chaque jour je fais de mieux dans mes écrits. Je fais toujours le mieux avec ma voix aiguë. Je chante pour les frères condamnés. Je chante pour les plus proches enfermés. Je chante et j'attends pas que ça paye. Je chante pour faire passer des messages. C'est ça les bails. Tout a commencé pour un délire, juste pour un plaisir. L'histoire des jours, la musique voudrait peut-être me donner un avenir. Passionné du rap, elle m'a jamais trahi. La sortie des tapes, mon public a kiffé. Mes pensées, mes envies d'aller plus loin. Merci pour les soutiens, ça vient du fond du cœur. Je sais que tu kiffes mes musiques et je ferai ton bonheur. Au micro, je te ferai écouter du lourd. Produit par moi-même, je m'en sors à tous les coups dans le décor. Je fais du rap avec un accent des îles, un accent unique. Et reste tranquille, moi je reste mélancolique avec elle. Je me sens libre, libre d'y croire. Original, je le suis, artiste comme n'importe qui. Et je reste moi-même en cherchant des issues. Rien à battre moi, je suis pas comme certes produit par des maisons de disques. La chance tourne, et tôt tard elle tombera au hasard. Tu connais la suite, et je reste patient. Toujours la même qu'avant, envie d'avancer. Respect pour ceux qui sont dans les bras. Tout a commencé pour un délire, juste pour un plaisir. L'histoire des jours, la musique voudrait peut-être me donner un avenir. Passionné du rap, elle m'a jamais trahi. La sortie des tapes, mon public a kiffé. Mes pensées, mes envies d'aller plus loin. Merci pour les soutiens, ça vient du fond du cœur. J'ai toujours eu la sensation de faire écouter mes inspirations. C'est là où tout a commencé et là où mes efforts ont commencé à payer sans être endetté. Tu sais, la guerre ne fait que de commencer. À fond soldat, armé de haut en bas, prêt à se battre car y'a pas le choix. Ils nous montrent de doigts, ils nous mais toujours dans le même sac. Microphone check, on va leur dire c'est pas la hure qui nous a éduqués. Enfant du quartier passionné, libre de partager les pensées derrière un micro sans être discriminé. Toi même tu sais, ils veulent toujours nous diviser pour mieux régner. Tout a commencé pour un délire, juste pour un plaisir. L'histoire des jours, la musique voudrait peut-être me donner un avenir. Passionné du rap, elle m'a jamais trahi. La sortie des tapes, mon public a kiffé. Mes pensées, mes envies d'aller plus loin. Merci pour les soutiens, ça vient du fond. Passionné du rap, elle m'a jamais trahi. La sortie des tapes, mon public a kiffé. Mes pensées, mes envies d'aller plus loin. Merci pour les soutiens, ça vient du fond.